La filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. Deuxième épisode, des jeunes gens de bonne famille. Otto Wächter, général 3 étoiles de la SS et gouverneur d'une des plus grandes provinces du Troisième Reich, a échappé à la justice. 4 ans de fuite qui s'achèvent par une mort mystérieuse. Pourquoi ? Comment ? C'est ce que je veux comprendre. Horst, son fils, m'a confié ses archives personnelles. Des lettres, des journaux, des notes, des enregistrements. Il espère que ces documents me convaincront de l'innocence de son père. Ensemble, nous partons sur ses traces. Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. Un jour, Horst m'envoie des photos tirées de son album de famille, de belles photos en noir et blanc. Je m'arrête sur l'une d'elles, Otto en 1915. Il a 14 ans, il porte un costume 3 pièces. Il regarde droit vers l'objectif. Il est beau comme un dieu, blond, pommette haute. C'est l'incarnation parfaite du national-socialisme qui n'existe pas encore. Mes pauvres parents, j'étais terrible à l'époque. Quand j'ai rencontré mon futur mari, je n'ai rien dit à ma mère. Je me gardais bien de lui parler de mes escapades. Si je lui avais dit que je fréquentais le baron von Wächter, elle se serait montée la tête. Il avait une allure folle. Il était si beau. Très attentionné aussi. Charlotte et Otto font connaissance à Vienne en 1929. Ils sont dans un train qui les emmène au sport d'hiver avec un groupe d'amis. Ce sont tous d'excellents skieurs. Charlotte a même gagné plusieurs compétitions. C'est une championne. Elle remarque tout de suite Otto. Il était grand, mince, très bel homme. Il avait des traits fins et des mains magnifiques. Il portait une bague avec un diamant au petit doigt de la main droite. Lotte Wächter est née Charlotte Blackman en 1908 à Mürzzuschlag, une petite ville à mi-chemin entre Vienne et Graz, dans une région qui s'appelle la Styrie. Sa famille y possède une aciérie créée par son grand-père Heinrich Blackman. 2000 employés, le quart de la population de la ville. Les Blackman y fabriquent des armes, comme les sabres utilisés par les Autrichiens contre Bismarck pendant la courte guerre austro-prussienne. C'était en 1866 et c'est la Prusse qui l'a emportée. Heinrich Blackman adorait sa petite fille, brune et athlétique. Quand il fait construire un train à vapeur qui doit emprunter l'étroite voie ferrée entre ces deux usines, il baptise la locomotive Lotte. Charlotte n'a pas froid aux yeux. Elle est l'une des premières femmes de Mürzzuschlag à obtenir son permis de conduire. Elle part pour un road trip en Angleterre, sans chaperon, avec son amie Liselotte. Puis elle se lance dans des études, des arts décoratifs, et installe son atelier de design textile dans la maison familiale à Vienne. Elle rencontre un certain succès. Et Otto, il est né en 1901, c'est le petit dernier de 3 enfants. Son père, Josef Karl Wächter, deviendra général et héros de la Première Guerre mondiale. C'est à cette occasion qu'il sera anobli. Il obtient le titre de Freiherr, baron, et la particule von qu'il peut accoler à son nom Wächter. Wächter, le père, est nommé à deux reprises ministre de la Défense au début des années 20. Il profite d'autres privilèges républicains. En 1929, quand Otto fait la connaissance de Charlotte, il a 28 ans, elle en a 21. Elle tombe folle amoureuse de ce grand blond, champion d'aviron, qu'elle appelle Schnaps. Il lui fait la cour, tout en continuant de flirter avec la terre entière. Elle attend une demande en mariage qui ne vient pas. Pour le voir, en cachette, elle ment à ses parents. Ensemble, ils partent 3 semaines en Italie. Bolzano, Vérone, le lac de Garde et Venise. Il réussit le concours du barreau, s'installe comme avocat. Il a déjà pris sa carte du Parti national-socialiste. Ça devait être en 1924. Très tôt donc. Oui, très tôt. C'est Horst, son fils, qui parle de la date d'adhésion de son père au parti. En fait, c'était en 1923. Quant à sa mère, elle aussi a adhéré au parti. Elle a adhéré au national-socialisme pour lui. Elle est devenue national-socialiste à cause de lui. Je l'aimais. Je me serais brûlée vive pour lui. Otto et Charlotte se marient en 1932 lors d'une cérémonie très simple convoquée à la hâte. Il faut dire que Charlotte est enceinte. Cette même année est marquée par l'arrivée au pouvoir dans la toute jeune République autrichienne d'un nouveau chancelier. Il s'appelle Dollfuss. 6 mois plus tard, le 30 janvier 1933, c'est en Allemagne qu'est nommé un nouveau chancelier, également né en Autriche, qu'il a quitté pour la Bavière après son double échec aux Beaux-Arts de Vienne, Adolf Hitler. À Vienne débute un combat politique, celui que va livrer le parti nazi autrichien au chancelier Dollfuss. D'un côté, les pans germanistes, au premier rang desquels Arthur Seyss-Inquart et Otto Wächter, qui militent pour l'Anschluss, le rapprochement avec l'Allemagne. De l'autre, Dollfuss et les austro-fascistes qui combattent fermement l'annexion de l'Autriche. En 1933, Dollfuss interdit le parti nazi autrichien, dissout le Parlement et s'attribue les pleins pouvoirs. Son gouvernement est caractérisé par l'autoritarisme, l'opposition au marxisme et au nazisme et le catholicisme d'État. Funérailles nationales en Autriche pour le chancelier Engelbert Dollfuss, assassiné par les nazis à Vienne le 25 juillet 1934. Au pouvoir dès 1932, à l'âge de 40 ans, s'inspirant à la fois des méthodes de Mussolini et de Hitler, Dollfuss n'était pas un démocrate modèle. Mais il était avant tout autrichien et il l'avait prouvé en refusant de s'unir plus étroitement avec l'Allemagne nazie. Pour cela, il devait disparaître. Dollfuss meurt sous les balles des putschistes. Pendant la tentative de coup d'État, car c'en est un, même s'il échoue, Otto Wächter est tranquillement assis dans un café. Pourtant, il est le cerveau de cette affaire d'État, l'assassinat du chancelier, et il est accusé de haute trahison. Nous sommes le 25 juillet 1934, et pour la première fois, mais pas la dernière, Otto Wächter devient l'ennemi public numéro un. Il réussit à prendre la fuite seul. Charlotte a accouché 1 mois plus tôt de leur deuxième enfant, une fille. Oui, j'étais malade. J'étais hospitalisée. J'ai accouché de Liesel le 15 juin 1934 et je suis restée à l'hôpital jusqu'en septembre. La naissance avait été très difficile. Charlotte a perdu beaucoup de sang. J'étais très malade, mourante presque. La police me surveillait. Des agents sont restés en faction pendant 2 mois devant ma porte. On m'a tout pris après le coup d'État, y compris la petite maison que mes parents m'avaient donnée pour notre mariage. Des hommes m'ont interrogée, se sont même fait passer pour des amis de mon mari. J'ai dit que je ne savais rien. Mais grâce à ceux qui nous rendaient encore visite, à moi et à mes enfants, je savais qu'Otto était vivant, qu'il n'avait pas été arrêté. C'était la seule chose importante. Sinon, il aurait été pendu. Otto en fuite, Charlotte doit se débrouiller seule. Ce n'est que plus tard qu'elle apprendra ce qui s'était passé. Otto s'était caché dans une cabane, pas loin du Danube. Il avait même entendu la police fouiller autour de sa planque, mais il avait eu de la chance. La police ne l'a pas trouvé et s'est éloigné de sa cachette. Ensuite, il a pu sauter dans l'eau et rejoindre Budapest à bord d'une péniche à charbon déguisée en manutentionnaire. Depuis Budapest, Otto rallie Berlin. C'est là que Charlotte le retrouve 2 ans plus tard, en 1936. Ils y vivent 20 ans. Otto est devenu allemand. Ils ont 3e enfant, encore une fille. Horst m'a raconté qu'à son arrivée à Berlin, sa mère avait découvert qu'Otto avait une maîtresse, une jeune femme du nom de Traute. Charlotte était ulcérée, avait exigé la fin de la liaison. Mais à la naissance du bébé, elle avait insisté pour donner à sa fille le prénom de la maîtresse en question. D'après Horst, Traute sera toujours la préférée de leur père. En mars 1938, Hitler peut enfin réaliser la grande Allemagne en annexant l'Autriche. Charlotte quitte immédiatement Berlin et regagne Vienne, mais pas Otto, pas encore. Charlotte sait que Hitler va proclamer l'union de l'Allemagne et de l'Autriche pendant un défilé militaire grandiose le 15 mars. Elle a une idée en tête, utiliser les festivités pour obtenir des autorités autrichiennes un passe-droit pour le retour de son mari. Elle adresse sa requête à un ami d'Otto, Odilo Globocnik, Globus pour les intimes. Après l'avoir cherché dans tout le bâtiment, j'ai fini par trouver Globus au 2e étage. Il m'a tout de suite reconnu et m'a demandé ce que je voulais. Je l'ai supplié d'appeler Berlin, de trouver Otto, de le faire venir à Vienne. Il fallait qu'il assiste au défilé en l'honneur du Führer sur la Heldenplatz, la place des héros. Globus n'a pas bougé. Il m'a répondu mollement que ce n'était pas possible. J'ai tapé violemment du poing sur la table. Je lui dis « Otto a tout sacrifié pour le parti ». Il en est membre depuis 1923. Il a risqué sa vie. Et vous voudriez le priver de ce moment? Mais vous n'y pensez pas. Si lui n'a pas mérité d'en être, s'il ne peut pas assister à ce jour historique, à ce jour de gloire, alors rien n'en valait la peine. Et ça a marché. Il faut dire que Odilo Globocnik, Globus, est promis à un brillant et sinistre avenir au sein du Troisième Reich. À peine 4 ans plus tard, tous les camps d'extermination sont sous sa responsabilité directe. C'est l'homme qui a conçu, fait construire et dirigé 3 camps, Belzec, Sobibor et Treblinka, dans lesquels presque 2 millions d'êtres humains, des juifs pour la plupart, mais aussi des Polonais qui n'étaient pas juifs, des tziganes, des résistants, ont été exterminés. Mais revenons à ce mardi 15 mars 1938. À 7 heures du matin, Otto, qui a roulé toute la nuit depuis Berlin, entre dans Vienne. Il enfile son uniforme de général SS, celui dans lequel Charlotte le trouve particulièrement beau. Puis il se rend sur Heldenplatz, place des héros, l'esplanade immense, juste devant le palais des Habsbourg, le cœur du pouvoir de l'Empire austro-hongrois, symbolisé par 2 statues héroïques, un prince et un archiduc. C'est là que tout a basculé. Du jour au lendemain, nos rêves sont devenus réalité. Je me souviens avoir entendu un grand bruit qui s'est rapidement transformé en explosion de joie. Heil Hitler! La clameur s'est rapprochée. Une marée humaine, de plus en plus proche, de plus en plus sonore. La route vers la place était noire de monde, la foule était dense. Il a fallu un certain temps et pas mal d'efforts pour dégager le passage. Le Führer était debout, main levée, saluant la foule qui l'acclamait. Un déchaînement sincère de joie. Sessingwart, sa femme et quelques autres accompagnaient le Führer qui a monté lentement les escaliers pour rejoindre le balcon. Il se tenait à 1 mètre de moi. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs. Also das war ja der schönste Augenblick, muss ich damals sagen, meines Lebens in puncto politischer Laufbahn. Ça a été le moment le plus merveilleux de ma vie. Ma vie politique, celle de mon mari Otto et la mienne. Jamais nous n'aurions pensé que cela arriverait. Le moment le plus merveilleux de ma vie. Ce sont les mots de Charlotte. Elle parle de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Après l'exil, après la honte, la déchéance de nationalité, l'accusation de haute trahison, et ce n'est pas rien, les Werther peuvent rentrer à Vienne la tête haute. Ils emménagent dans une maison dont les occupants précédents, les Juifs, ont fui. Otto est nommé commissaire d'État à la liquidation. Son travail consiste à épurer le service public. La commission Werther qu'il dirige est responsable du renvoi et du départ forcé de tous ceux qui ne se soumettent pas au Troisième Reich, à commencer par les Juifs. En me plongeant dans les archives du régime à Vienne, j'ai pu établir qu'au moins 16 237 fonctionnaires avaient été ainsi épurés par Otto Werther. Horst, quatrième enfant de la fratrie, naît en avril 1939 à Vienne. Il est tout de suite baptisé. Son parrain est le chef du gouvernement auquel appartient son père, autrement dit, le gouverneur de la province allemande qui est devenu l'Autriche, le nazi le plus puissant de l'ex-Autriche, Arthur Seyss-Inquart. Arthur Seyss-Inquart travaille étroitement avec Hitler, qui, depuis Berlin, passe l'été de 1939 à préparer la guerre. Von Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères, signe en août un pacte avec le soviétique Molotov, le fameux pacte de non-agression. Le 1er septembre, la Wehrmacht lance la campagne de Pologne, soit 1,5 million de soldats sur trois fronts. L'invasion de la Pologne provoque l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne, et c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 5 semaines, la Pologne est soumise. À l'est, selon les termes du pacte germano-soviétique, la Galicie est coupée en deux. Une moitié allemande, une moitié soviétique. Seyss-Inquart est immédiatement muté dans les nouveaux territoires occupés. Il propose à Otto de le suivre. Otto est nommé gouverneur nazi de Cracovie et il a un nouveau patron, Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée, qui entame alors sa carrière de boucher de Cracovie. Nous étions amis avec les Franks. Hans Frank était un homme absolument passionné de musique et doté d'une culture historique et musicale extraordinaire. Il jouait merveilleusement du piano. Il m'a toujours fasciné. Le merveilleux pianiste aime faire des déclarations qui lui causeront plus tard de sérieux ennuis. Comme « Nous devons anéantir les Juifs » partout où nous les trouverons. Ou encore, les Polonais deviendront les esclaves du grand empire mondial allemand. Les petits Werther font la navette entre Cracovie et l'Autriche. Ils ont une maison de vacances au bord du lac Zell. Horst m'a dit qu'il avait appris récemment que son propriétaire, un opposant à Hitler, avait été déporté à Ravensbrück. Je demande à Horst s'il a eu une enfance heureuse. Ses yeux brillent quand il me répond que oui. Les albums de famille que me montre Horst sont remplis de photos des jours heureux. Des enfants en culottes courtes, gambadant dans les Alpes autrichiennes. Le premier anniversaire de Horst soufflant une bougie sur les genoux de son père. Otto assis sur un banc avec ses enfants tout à fait mignons. Derrière eux, Charlotte en mère de famille parfaite. J'étais toujours avec mes frères et sœurs, et surtout avec mon grand-père, qui m'aimait beaucoup. C'est lui qui m'a appris à marcher. J'étais son préféré. C'était la guerre, mais pour moi, comme pour les autres enfants, ça a été une période très agréable, très paisible. À Cracovie, Hans Frank prend ses quartiers au château de Wawel, l'ancien siège des rois polonais, un des plus beaux lieux du patrimoine polonais. Otto, lui, installe ses bureaux dans le palais Potocki, un bâtiment du XVIIIe siècle, sur la place principale. Charlotte, qui avait fait des études d'art, se met en quête d'œuvres et de meubles pour refaire la décoration intérieure. Plutôt que de courir les antiquaires, elle décide de se rendre là où il y a incontestablement de très jolies choses, au Musée national. Un jour de décembre 1939, Charlotte se présente à l'accueil, accompagnée par des soldats allemands. Elle brandit une lettre signée du tout nouveau gouverneur du district de Cracovie, Otto Wächter. La lettre l'autorise à prendre absolument tout ce qui lui fait envie dans les collections. Charlotte sillonne donc les salles d'exposition et choisit ce qu'elle veut rapporter au palais Potocki. Des commodes gothiques, des tableaux et des meubles Renaissance, une armure et des bibelots. J'ai retrouvé un document, une déclaration du directeur du musée, faite sous serment après la guerre, qui décrit la scène. Il ajoute que Charlotte lui a dit, pour le rassurer, « Wir sind keine Räuber, Herr Direktor. » « Nous ne sommes pas des voleurs, monsieur le directeur. » Et pourtant, parmi les œuvres empruntées, il y a un tableau de Bruegel qui ne sera jamais retrouvé, et d'autres œuvres d'art qui ont été vendues par Charlotte pendant les périodes de vaches maigres après la guerre. Mais revenons à l'année 1939. Pendant que la femme du gouverneur de Cracovie pratique la spoliation de chefs-d'œuvre en toute bonne conscience, le gouvernement polonais s'est exilé et installé en France, à Angers. Cela ne dure pas, évidemment. En juin 1940, direction Londres. Et c'est depuis Londres que la résistance polonaise s'organise. Des porteurs de lettres, les silencieux de l'ombre, effectuent des voyages dans les deux sens, au péril de leur vie, et alertent sur la situation en Pologne dès 1942. J'ai retrouvé un article du New York Times du 17 octobre 1942 qui dresse la liste de 10 hommes, 10 responsables, 10 criminels de guerre. Le numéro 1 de la liste, c'est Hans Frank, le pianiste merveilleux qui fascine Charlotte. Il passera à la postérité sous le nom de Boucher de Cracovie ou encore de Bourreau de la Pologne. En 1942, alors que la guerre est loin d'être finie, le New York Times indique que Hans Frank a ordonné l'exécution de 200 000 Polonais. Le septième nom sur la liste est celui de Otto Wächter, gouverneur de Cracovie. D'après l'article, il s'est rendu tristement célèbre pour avoir exterminé l'intelligentsia polonaise. Sous ses ordres, rapporte le journal, tous les enseignants de l'université Jagiellon de Cracovie, des dizaines de professeurs, ont été arrêtés le 6 novembre 1939, puis déportés au camp de concentration de Sachsenhausen. Et puis, il y a le massacre de Bochnia. Ma chérie, mille merci pour ta lettre délicieuse. Ici, à Cracovie, il se passe plein de choses. J'ai reçu la visite de Baldur Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes, du général Pollens et de Walter Funk. La Philharmonie de Vienne a aussi donné un grand concert, très applaudi. C'est un succès personnel et Hans Frank s'est montré très impressionné. C'était pour les bonnes nouvelles. Le reste est nettement moins plaisant. Il y a eu des actes de sabotage, une sale affaire, des voitures piégées et pour finir, une tentative d'assassinat contre le gouverneur général. Demain, je vais encore devoir faire fusiller 50 Polonais. Cette phrase me trotte dans la tête. Demain, je vais encore devoir faire fusiller 50 Polonais. Que s'est-il passé? En septembre 1939, dans la ville de Bochnia, des Polonais, membres d'un groupe de résistance clandestin, abattent 2 policiers allemands. En représailles, les Allemands exécutent 55 civils. C'est l'un des premiers massacres de masse dans la Pologne occupée. Demain, je vais encore devoir faire fusiller 50 Polonais. Quand je suis tombé sur cette phrase incroyablement désinvolte dans une lettre d'Otto à Charlotte, j'ai envoyé un mail à Horst pour connaître sa réaction. Sa réponse n'a pas tardé. C'était la preuve de la grande humanité de son père. Parce qu'il écrit « je vais devoir » et non pas Je suis ravi de devoir tuer ces gens. Il écrit qu'il va être obligé de le faire. Toutes les armées du monde exercent des représailles. Ce n'est pas lui qui a décidé de les tuer, mais un juge de la Gestapo. Pour Horst, rien n'est jamais de la faute d'Otto. Son père, qu'il n'a jamais vraiment connu, est une image qu'il a reconstruite à partir des propos de sa mère qu'il adorait. Or, pour Charlotte justement, c'était un homme qui n'adhérait pas forcément à tout ce qui se passait autour de lui, mais qui ne pouvait pas s'y opposer. Au bout de 3 ans, après avoir construit le ghetto, Otto quitte Cracovie. Hitler a lancé son grand plan d'invasion de l'Union soviétique, qui commence justement par l'invasion de la Galicie. Otto est nommé gouverneur de Galicie au début de l'année 42. Pour alimenter le front de l'Est, son projet va être de créer une division SS avec des soldats locaux, des Ukrainiens farouchement anticommunistes pour avoir été victimes des exactions de l'armée rouge quand la Galicie était passée sous contrôle communiste. Otto est fier d'être en poste dans la capitale de Galicie, à Lemberg, une ville où son propre père, Joseph, avait été stationné pendant la Première Guerre mondiale. C'est à Lemberg que l'histoire des miens tourne à la tragédie. C'est à Lemberg que Otto Werchter participe au déchaînement de la violence de l'État nazi contre eux. Aux archives de Varsovie, j'ai découvert un document avec le nom d'Otto Werchter tout en haut. C'est le document numéro 000508. Daté du 28 septembre 1946 et rédigé par le registre central des criminels de guerre. Voilà ce qu'il dit. Date des crimes, 1942 à 1945. Lieu, Lemberg. Sur la page précédente, on lit « Le sujet est responsable de meurtres de masse, fusillades et exécutions commis sous son commandement » lorsqu'il était gouverneur de Galicie. Plus de 100 000 citoyens polonais ont perdu la vie. Dans le prochain épisode de La Filière, je vous raconterai ce qui s'est passé à Lemberg et comment la destinée des Werchter a croisé la mienne. C'était La Filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Werchter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Werchter. Et Horst Werchter à Hagenberg en Autriche, voix française, Emmanuel Ménard. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.